Peter. Bonjour Peter. Peter, t'as un problème de... Le son, il est tout à droite. J'en ai marre, Titi. Ça fait un mois. J'ai encore mal. Ça fait un mois que je galère là. Faire un mariage. toi, t'as une tendinite, c'est ça? Oh putain, c'est pas... Pour un guitariste, c'est terrible. Thank you. pas pourquoi.